En 1982, au beau milieu de l'Amérique noire, faisant partie du camp MC Choucroute, deux blancs déambulants forment le Dermacrot System. Je n'aime pas Dermacrot System de merde pour le bâtard, c'est des idées de bâtard. Je n'aime pas Dermacrot System de merde, c'est pour les bâtards. Faites la gueule, connard de pute. Hey, hey!